Alors, bonjour à toutes les personnes que je n'aurais pas encore vues. Donc, Axel Créache, je suis actuellement postdoctorant sur le programme Atlantis qui vous accueille aujourd'hui. Et je vais vous présenter en fait les principaux résultats de la thèse que j'ai terminée en novembre de l'année dernière, qui a mêlé en fait la géographie et l'économie, qui s'est intéressée au risque d'inondation par la mer. Et finalement, le point de départ du travail, ça a été la fin d'un monde à une échelle très locale. On en a déjà parlé dans la première communication sur la faute sur mer qui avait été très impactée par la tempête Xynthia en 2010. Donc le travail s'est vraiment centré sur cet événement avec l'idée de savoir comment on pouvait anticiper, comment on pouvait prévenir en fait cette fin d'un monde, comment on pouvait du coup identifier des zones où des décès pouvaient survenir et puis comment on pouvait adapter ces territoires. Et c'est là qu'est intervenue l'approche économique. Combien ça pouvait coûter également d'adapter ces territoires et est-ce que les différentes mesures que l'on a testées étaient intéressantes d'un point de vue économique? Alors, donc le point de départ, c'est effectivement la tempête Xynthia, donc qui a touché le littoral atlantique français en février 2010. Donc c'est une tempête qui, de par ses caractéristiques intrinsèques, n'est pas forcément un événement catastrophique. Donc on a des vents qui sont relativement importants, mais pas non plus exceptionnels. En fait, ce qui engendre la catastrophe, c'est que cette tempête est couplée à une marée haute de forts coefficients, ce qui localement a entraîné un niveau de la mer très important, notamment au droit des côtes de Charente-Maritime et de Vendée, qui sont des territoires particulièrement bas. Et ce qui a fait que la mer est passée au-dessus d'un certain nombre de cordons dunaires et de digues et est venue inonder des zones de polders, donc des zones qui sont situées naturellement sous le niveau de la mer. Donc vous avez ici sur l'illustration le principal territoire qui a été touché par Xynthia. Et vous pouvez voir que en fait, tout ce secteur-là est un territoire poldérisé. Donc habituellement, c'est de la terre ferme. Et là, après Xynthia, il était complètement envahi d'eau. Alors là où le problème devient plus important, c'est que cette submersion marine allait également toucher des territoires qui étaient urbanisés, et notamment les communes de la Faute-sur-Mer et de l'Aiguillon-sur-Mer qui sont sur l'illustration. Et cela a entraîné le décès par noyade de 41 personnes qui ont été piégées à l'intérieur de leur construction. Donc ça aussi, c'est un événement clé lié à la tempête Xynthia. Généralement, les décès liés à des événements d'inondation sont plutôt des gens qui se font emporter par le courant dans la rue ou meurent dans leur voiture. Donc c'est les causes principales de décès liés à des inondations. Lors de Xynthia, la totalité des décès sont intervenus à l'intérieur des constructions qui ont formé un véritable piège pour leurs occupants. Donc c'est à partir de ce constat en fait que on va essayer de travailler avec l'idée de savoir est-ce que ces décès sont fortuits, est-ce qu'ils sont finalement dus au hasard ou est-ce qu'il y a des facteurs explicatifs qui peuvent expliquer ce bilan? Et si oui, dans quelle mesure on peut les identifier? Et du coup, anticiper, agir dessus pour prévenir des catastrophes futures éventuelles, dans un contexte évidemment d'élévation du niveau marin lié au changement climatique qui devrait accentuer ce risque d'inondation par la mer. Donc ça, c'est le premier objectif du travail. Le second objectif, c'est que après cette tempête Xynthia, les principaux territoires qui ont été impactés par l'événement enfin, l'État français a décidé le rachat et la déconstruction des maisons qui ont été jugées les plus dangereuses. Vous en avez une illustration juste derrière moi, donc de déconstruction de maisons qui ont concerné la commune de la Faute-sur-Mer en haut. Donc c'est une mesure qui a été connue sous le vocable de zone noire ou de zone de solidarité, qui a été relativement critiquée, notamment pour son manque de concertation, mais également pour la cherté de la mesure, donc son coût. Et on peut légitimement poser la question, n'existe-t-il pas des mesures alternatives qui permettent de protéger également la population et de prévenir de tels événements à l'avenir? Alors simplement, donc deux problématiques majeures. La première va être l'identification des zones où des décès peuvent intervenir du fait de la configuration et de la localisation des constructions résidentielles. Et la deuxième problématique va du coup être de proposer des mesures d'adaptation et de les comparer en utilisant l'approche économique pour identifier par rapport au coût d'investissement quels sont les gains escomptés. Alors simplement, je voulais revenir sur comment la configuration et la localisation de construction sur un territoire peuvent exacerber la vulnérabilité humaine jusqu'à pouvoir conduire au décès et donc se retrouver dans la configuration de maisons qui forment un piège en fait pour leurs occupants. Donc le cas d'école, c'est évidemment la faute sur mer qui, à elle seule, concentre 29 des 41 décès liés à la tempête Xynthia. Alors c'est un territoire qui est particulièrement bas, donc sur la carte qui est ici à votre gauche, tout ce qui est coloré en bleu en fait représente le territoire qui est naturellement situé sous le niveau de la mer qui a été atteint lors de la tempête Xynthia. Donc c'est une très grande partie du territoire qui est potentiellement inondable. Sur la carte qui est à votre droite, vous avez la dynamique d'urbanisation sur la commune depuis les années 50. Donc en rouge foncé, vous avez l'urbanisation relativement ancienne. Vous pouvez voir qu'elle est située sur finalement la partie relativement la plus haute de la commune et que bon, progressivement, cette urbanisation est venue gagner les zones les plus basses de la commune jusqu'à venir combler très récemment, donc il y a moins de 15 ans environ, les zones les plus basses qui sont situées à des altitudes d'environ 1 mètre, 1,50 mètre. Et où l'inondation peut du coup atteindre environ 2 mètres à 2 mètres 50 de hauteur d'eau. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lors de Xynthia, 100% des décès à la faute sur mer sont intervenus dans des maisons qui ont été effectivement inondées par plus de 2 mètres de hauteur d'eau, donc bien évidemment au-dessus de la taille moyenne d'une personne. 90% des décès sont également intervenus à moins de 400 mètres des digues qui protège la commune face à la mer. Donc c'est le liseré rouge que vous voyez de haut en bas. Et donc ces digues, comme il a été dit auparavant, ont été submergées par la mer, et donc l'eau est rentrée très brusquement dans les zones basses en arrière, ce qui a entraîné une élévation du niveau d'eau extrêmement rapide, et ce qui a surpris un certain nombre d'occupants durant l'événement. Donc on parle d'une montée de plus d'1,50 m en une vingtaine de minutes. Donc des gens qui ont été complètement surpris. Et puis le dernier facteur aggravant, c'est la prédominance des constructions de plein pied sur la commune, donc de constructions qui sont dépourvues d'étages et où les gens n'ont pas pu du coup se réfugier en hauteur. 65% des décès sur la commune sont intervenus dans de telles constructions. Et en fait, la multiplication de ces facteurs dans cette zone qui est cerclée en noir, donc des constructions situées dans des zones basses, des constructions de plein pied et extrêmement proches des digues, a fait que 28 des 29 personnes qui sont décédées à la faute sur mer sont décédées sur cette petite poche. Donc l'idée du travail, ça va être d'identifier de manière préventive finalement les territoires où il existe d'autres zones qui présentent des configurations analogues. Donc on retrouvera des constructions situées en zone inondable, des constructions qui sont relativement inadaptées au risque par l'absence d'étages, et puis des constructions qui peuvent être relativement proches d'ouvrages qui peuvent céder et qui peuvent finalement amplifier l'événement. Alors simplement pour revenir sur Xynthia, la fin d'un monde, je voulais simplement rappeler quelques chiffres. Donc je vous ai dit qu'il y avait eu 29 décès sur la commune, ce qui peut paraître relativement dérisoire par rapport à d'autres événements catastrophiques dont on peut entendre parler régulièrement tout au travers du monde. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cela représente quand même 29 décès sur une commune qui compte 1000 habitants en 2006. Donc ce qui représente quand même 3% de la population de la commune qui est décédée lors de cet événement. Alors au-delà même de ce bilan, c'est l'ampleur de la submersion qui va extrêmement marquer la commune. Alors vous avez deux illustrations ici en haut de la submersion lors de Xynthia. Donc ici vous avez cette fameuse cuvette qu'on voyait précédemment. Donc la photo illustre ce territoire qui est complètement inondé. Vous pouvez voir que les hauteurs d'eau sont relativement importantes. Donc 80% du territoire de la faute sur mer est potentiellement submersible, et lors de Xynthia, 60% de ces 80% ont effectivement été inondés, ce qui représente quand même une très grande partie du territoire. Et donc, plus de la moitié des constructions résidentielles de la commune ont été effectivement inondées, ce qui a représenté près de 2000 constructions. Alors, si vous faites rapidement le calcul, 2000 constructions inondées sur une commune de 1000 habitants, une des caractéristiques principales en fait, de la commune de La Faulte-sur-Mer, c'est que 85% des résidences sont des résidences secondaires, donc qui étaient probablement fort heureusement inoccupées lors de Xintia, ce qui a probablement permis de limiter le bilan humain de l'événement, mais qui aurait pu être beaucoup plus important. Et pour conclure, alors, les zones noires dont je vous ai parlé ont entraîné sur La Faulte-sur-Mer la déconstruction de 552 constructions, ce qui a représenté quand même la destruction de 14% du parc résidentiel de la commune, ce qui n'est pas négligeable. Et puis, conséquence de cette déconstruction de maisons, la population de la commune a baissé. Et après Xintia, en 2011, il n'y avait plus que 740 habitants à la Faulte-sur-Mer, ce qui a notamment eu des répercussions sur le mode de scrutin aux dernières élections municipales, avec notamment des controverses autour de l'élection de l'ancien maire. Alors, je vous ai dit que ça avait été une mesure contestée, vous en avez une illustration ici. Et puis, vous pouvez aussi, derrière moi, constater l'effet de ces zones noires. La photographie, concerne le même secteur que les deux photos là-haut, donc après la déconstruction, et vous voyez que ça ressemble à une forme de no man's land. Alors, simplement pour illustrer ça d'un point de vue cartographique, on reviendra sur ces cartes un peu plus tard. Simplement, l'ensemble des points ici sont des constructions résidentielles sur la commune de La Faulte-sur-Mer. Vous avez ici la situation de l'urbanisation avant la tempête Xintia. Et ici, la situation après la tempête Xintia, après application de la mesure des zones noires. Et vous pouvez voir que l'ensemble de la zone basse qui a concentré les décès a été complètement rasé, et ce qui aujourd'hui fait une sorte de verrue dans la commune et a effectivement énormément marqué la population locale. Alors, pour répondre à notre premier objectif d'essayer d'identifier de manière préventive d'autres zones qui pourraient présenter des configurations analogues à La Faulte-sur-Mer, nous avons mis en place un indice qui permet d'identifier les constructions qui peuvent représenter des pièges pour la population. Alors, pour cela, nous nous sommes basés évidemment sur le retour d'expérience de la tempête Xintia, sur l'identification des principaux facteurs qui ont pu exacerber cette vulnérabilité humaine et puis mener au décès. Donc, cet indice, on l'a appelé l'indice V pour vulnérabilité intrinsèque extrême. Donc, vous avez ici une figure récapitulative de la méthodologie. Donc, quatre critères principaux. Le premier, ça va être en haut à gauche, la hauteur d'eau potentielle à l'intérieur des constructions en cas d'inondation par la mer. Et on considérera que plus cette hauteur d'eau peut être importante, plus la vulnérabilité pour les occupants sera importante et plus le risque de décès sera important. Le second critère en dessous, c'est la proximité des constructions résidentielles à des digues, à des ouvrages de protection, qui, en cas de rupture, peuvent entraîner un effet de surprise du fait d'une élévation plus rapide du niveau de l'eau que si c'était simplement une élévation progressive avec la marée. Et donc, plus une construction sera proche d'une digue, plus on considérera que l'effet de surprise peut être important, et du coup, le temps de réaction pour les occupants sera diminué d'autant. Le troisième critère, c'est le type architectural des constructions en haut. Donc, les constructions de plein pied peuvent évidemment présenter une forme de piège pour les occupants qui ne pourraient pas s'échapper vers le haut, contrairement aux constructions à étage qui le permettent. La dernière chose, c'est la proximité des constructions à des zones qui sont naturellement hors d'eau. Donc, c'est le cas ici où les populations pourraient se réfugier en dernier recours, et plus vous serez éloigné d'une telle zone, plus il vous sera difficile d'y accéder. Alors, nous avons agrégé l'ensemble de ces critères au travers d'une formule ici pour obtenir finalement une note qui représente la vulnérabilité de la construction pour les occupants. Et je pense que vous ne voyez pas très bien, mais dans l'objectif de cartographier ce résultat, nous avons utilisé l'échelle de couleur ici, qui représente différents niveaux de vulnérabilité, avec ici la classe de vulnérabilité la plus importante où l'on retrouvera les constructions dans lesquelles des décès pourraient intervenir en cas d'inondation par la mer. Donc cela nous a permis d'aboutir à ce type de résultat. Donc je vous ai déjà rapidement présenté cette carte auparavant. Chaque point représente une construction résidentielle qui sont colorées en fonction de leur niveau de vulnérabilité. Alors évidemment, avant de commenter la carte, il faut pouvoir valider la méthode. Et pour cela, nous avons comparé nos premiers résultats avec le retour d'expérience de la tempête Xynthia. Donc ce sont les graphiques qui sont sur la partie droite, sur la partie gauche pardon, de la diapositive. Donc premièrement, nous avons comparé les résultats de notre indice avec la localisation effective des décès lors de Xynthia. Et il se trouve que 83% des décès ont été localisés dans des constructions que nous avons identifiées en noir par l'indice V. Donc, on peut finalement confirmer que ces constructions peuvent effectivement exposer les occupants à un risque de décès. Alors nous avons aussi comparé ces résultats avec les zones noires, donc je ne vais pas m'attarder dessus, mais simplement vous pouvez voir qu'on a également une relative bonne corrélation avec, entre nos résultats et puis les périmètres qui ont été dessinés par l'État. Alors, simplement pour aller plus loin, pour valider la méthode, pour pouvoir la transposer ailleurs, notamment dans d'autres pays, je suis en train de travailler là-dessus en ce moment, mais il nécessite une validation sur d'autres événements connus et passés d'inondations par la mer, notamment le cyclone Katrina de 2005 à la Nouvelle-Orléans, et puis la tempête de 1953 qui avait touché la Grande-Bretagne et puis la Hollande, faisant 2000 morts. Alors, sur le commentaire des résultats que vous voyez ici à l'écran, vous pouvez voir déjà l'importance du nombre de constructions qui sont identifiées en noir par l'indice. Vous voyez que cela représente 48% des constructions de la commune de La Faute-sur-Mer, donc une maison sur deux, ce qui est absolument énorme. Alors, si lors de Xynthia on a eu 29 décès, je vous l'ai déjà dit, mais c'est que 85% des constructions sont des résidences secondaires et étaient probablement inoccupées lors de Xynthia, ce qui a très probablement limité le bilan humain de l'événement. Mais potentiellement, il aurait pu être beaucoup plus important. Alors, donc ce travail, nous l'avons mené sur trois communes de la baie de l'Aiguillon, qui a été le territoire le plus touché lors de Xynthia. Donc la baie de l'Aiguillon ici avec La Faute-sur-Mer. Et puis nous l'avons également appliqué de manière préventive sur l'île de Noirmoutier au nord, donc qui a été très peu touchée par l'événement Xynthia, très peu d'inondations. Néanmoins, on sait que par le passé, l'île a été inondée aux deux tiers, notamment en 1937. Et il y a un certain nombre d'analogies entre ce territoire et les communes de la baie de l'Aiguillon, notamment du fait de l'urbanisation des zones basses, la protection du territoire par des digues, et puis la prédominance des constructions de plein pied. Donc on peut tout à fait légitimement se poser la question des conséquences éventuelles d'un événement de type Xynthia s'il survenait sur l'île de Noirmoutier. Alors les cartes commune par commune ont été produites, simplement pour ici illustrer une forme de synthèse des résultats. Nous avons coloré les communes en fonction de la classe de vulnérabilité prédominante sur la commune. Donc on retrouve bien la prédominance du noir et du rouge à La Faute-sur-Mer, également à l'Aiguillon-sur-Mer qui est extrêmement vulnérable. Et ce que l'on peut dire sur le territoire de Noirmoutier, c'est qu'il est relativement moins vulnérable en cas d'événement de type Xynthia. Et ce résultat, on l'explique par le fait que l'urbanisation est relativement plus éloignée aux digues qu'à La Faute-sur-Mer, ce qui probablement limiterait l'effet de surprise en cas d'événement d'inondation et permettrait aux gens d'avoir le temps de réagir. Donc c'est une configuration qu'on retrouve également sur la commune de Charon qui apparaît moins vulnérable que ses voisines de La Faute-sur-Mer et de l'Aiguillon-sur-Mer. Alors nous nous sommes aussi interrogés sur une possible croissance de la vulnérabilité au cours du temps. Donc c'est l'objet de ce graphique où vous avez la représentation de l'évolution de l'urbanisation depuis 1705 jusqu'à 2010. Vous pouvez voir une très forte croissance de cette urbanisation. Et également une croissance des surfaces urbanisées qui sont identifiées dans la classe noire de l'indice. Donc finalement une croissance des constructions à l'intérieur desquelles des décès peuvent survenir. Donc passant de 4% en 1705 à 17% dans la situation actuelle. Alors, du simple fait de l'élévation du niveau marin lié au changement climatique, donc on s'est basé sur la projection du ministère de l'écologie en la matière, qui préconise d'intégrer 60% d'élévation du niveau marin à l'horizon 2100, on aurait une croissance des constructions les plus exposées. Donc, cela ne tient pas compte d'une possible augmentation de l'urbanisation dans les zones à risque, mais du simple fait de l'élévation mécanique du niveau de la mer, on aurait une croissance des constructions les plus dangereuses pour les occupants. Donc finalement, cela suggère qu'il faut agir dès aujourd'hui sur la réduction de la vulnérabilité et la prévention face aux risques pour éviter de reconnaître des événements de type Xynthia à l'avenir. Donc c'est l'objet de cette seconde partie où nous faisons intervenir les aspects économiques dans l'objectif de comparer différentes mesures de réduction de la vulnérabilité, de protection de la vie humaine, et puis de voir dans quelle mesure ces stratégies sont financièrement intéressantes. Alors nous avons comparé quatre mesures différentes. La première consiste, donc c'est celle en haut, consiste en l'adaptation et le rehaussement des digues dans l'objectif de réduire la probabilité de défaillance des ouvrages. La deuxième mesure, c'est l'adaptation architecturale des maisons de plain-pied, donc finalement leur rehaussement pour permettre de construire un espace refuge où les populations pourraient s'échapper. La troisième mesure consiste en une action renforcée de la prévention dans l'objectif finalement de réduire la population présente au moment de l'événement. Et la dernière mesure, à la suite de Xynthia, consiste en la déconstruction des maisons jugées les plus dangereuses. Alors pour chacune de ces mesures a un coût que nous avons identifié à travers la littérature. Et surtout, chacune de ces mesures permet d'agir sur l'un des critères de l'indice vie que je vous ai présenté précédemment, ce qui permet de recalculer l'indice et ainsi d'avoir une carte de la situation initiale de la vulnérabilité et puis de la situation de la vulnérabilité après adaptation. Alors simplement pour illustrer ce propos, vous avez ici la carte que l'on a déjà vue de la situation initiale de la vulnérabilité à la faute sur mer, avec 48% des constructions qui sont identifiées en noir par l'indice. Et ici, vous avez la même carte, mais après adaptation architecturale des maisons. Donc les constructions qui sont ici de plain-pied sont considérées ici comme étant pourvues d'un étage, ce qui permet aux habitants de se réfugier et ce qui devrait réduire la probabilité de décès. Et vous pouvez voir que cette action réduit fortement les constructions les plus dangereuses, qui passent désormais à 14% du parc immobilier de la commune. Donc on pourrait comparer l'efficacité de nos mesures simplement au travers de cette comparaison du niveau de vulnérabilité avant et après. Alors nous avons souhaité aller quand même plus loin dans cette mesure de l'efficacité, en essayant de voir combien ces mesures d'adaptation permettaient de sauvegarder de vies. Alors pour cela, nous avons utilisé la méthode des fonctions de mortalité, qui est une méthode qui a été développée aux Pays-Bas, qui permet d'estimer un nombre de décès potentiels en cas d'inondation. Alors simplement, cette méthode, elle considère un nombre total de personnes exposées à l'inondation, qui est multiplié par une probabilité de décès qui est généralement considérée de 1 décès pour 100 personnes exposées. Donc qui permet d'estimer finalement le nombre de décès potentiels. Alors nous avons quelque peu adapté la méthode pour pouvoir y intégrer les résultats de notre travail en considérant que le risque de décès était plus élevé dans des constructions identifiées en noir que dans les autres constructions. Donc comme ça, on a un jeu de balance qui se fait entre le coût des mesures, qui va être extrêmement différent entre ces différentes mesures, beaucoup plus cher de détruire une maison. Par contre, cela permet un vrai gain de réduction de la vulnérabilité pour les populations. Et par exemple, rehausser un ouvrage de protection, c'est quelque chose qui va coûter moins cher, mais qui n'aura pas le même gain en termes d'efficacité et en termes de protection des populations. Alors, en termes de résultats de cette analyse économique, donc deux façons de présenter les résultats. Le premier, c'est le tableau qui est tout en haut, où finalement on met en regard le coût des mesures avec nombre de vies humaines qui sont préservées grâce aux mesures. Donc cela nous donne une somme finalement qui représente très grossièrement, alors c'est quelque chose de discutable, le coût pour protéger une vie humaine. Et donc plus ce coût sera important, plus moins la mesure sera finalement intéressante d'un point de vue stricto sensu financier. Et puis la deuxième façon de présenter les résultats, je vais me décaler, c'est ce type de graphique où vous avez les mesures qui sont positionnées dans ce graphique en fonction de leur coût sur l'axe des ordonnées. Donc les mesures les moins onéreuses seront dans le bas du graphique, les mesures les plus onéreuses en haut, et puis en fonction de leur efficacité sur l'axe des abscisses. Donc du moins efficace ici au plus efficace sur la droite. Et donc vous pouvez ainsi retrouver des mesures qui vont être onéreuses et peu efficaces, donc des mesures qui sont à proscrire, tandis qu'ici vous retrouverez des mesures qui sont peu onéreuses et efficaces, donc des mesures qui sont à prescrire du point de vue du gestionnaire dans l'objectif de réduire, de protéger la population. Alors en termes de résultats en tant que tel, ce qui est intéressant à observer, c'est premièrement que rehausser les digues dans l'unique objectif de protéger la population n'est pas une mesure efficace pour protéger cette population. Du simple fait que l'on considère qu'une digue, quelles que soient ses dimensions, peut rompre, et en cas de rupture, cela, dans tous les cas, exacerbera la vulnérabilité de la population. Alors, si la digue a de nombreux avantages, autres, notamment pour protéger les bâtiments face à des événements récurrents d'inondation, qui n'exposent pas forcément la vie humaine dans tous les cas, mais qui vont avoir un certain nombre de dommages sur la structure des constructions, pour cela, la digue aura un intérêt incontestable. Mais dans l'unique objectif de protéger la population, ce n'est pas une mesure suffisante. Alors l'autre résultat marquant, c'est, vous voyez apparaître en bas, la mesure d'évacuation préventive, donc une action sur la prévention pour faciliter l'évacuation en cas d'événement. Vous voyez que c'est la mesure qui est la moins chère et qui permet un maximum d'efficacité. Donc finalement, c'est quand même un résultat qui a tempéré, parce que pour que cette mesure soit réellement efficace, il faut effectivement que la population évacue. Et ça, c'est un travail qui est quotidien de prévention. Et donc, est-ce que dans 50 ans, cet objectif d'évacuer 75% de la population sera effectivement réaliste? C'est quelque chose qui est discutable. Alors sur les deux mesures structurelles autres, donc l'adaptation architecturale et puis la relocalisation des constructions résidentielles, c'est des mesures qui offrent un vrai gain de protection de la population, mais qui sont bien plus onéreuses. Vous pouvez voir que la délocalisation, donc la mesure 4, il en coûte quand même 10 millions d'euros d'investissement pour protéger une vie humaine. Donc c'est une mesure qui s'applique très bien sur les territoires qui sont extrêmement vulnérables, par exemple la faute sur mer, mais qui sera peut-être moins pertinente sur des territoires où la vulnérabilité est moins élevée. Alors pour conclure sur cette partie, finalement ici on a comparé les différentes mesures de protection de la vie humaine les unes après les autres. Il est évident que le meilleur moyen de protéger les populations, c'est de faire un mix entre ces différentes mesures. Donc la solution de la prévention paraît incontournable, mais si en plus de ça, les constructions les plus dangereuses sont effectivement détruites et puis que les constructions récentes sont pourvues d'un étage, on a là la meilleure façon de pouvoir protéger la population à l'avenir. Et puis pour conclure, donc ce travail se veut évidemment opérationnel, donc avec un indice créé à micro-échelle qui a pour but de pouvoir identifier la vulnérabilité de manière préventive, donc avec un certain nombre de limites qu'il faut bien évidemment prendre en compte, mais travail qui peut être transposable à d'autres territoires. Couplé à cela, l'analyse économique qui permet d'apporter un certain nombre de solutions sur l'adaptation dès aujourd'hui des territoires dans l'objectif d'éviter à l'avenir des événements catastrophiques de type Xynthia. Donc un certain nombre d'applications, évidemment, notamment pour les services de secours qui peuvent prépositionner leurs moyens d'intervention. Et puis, évidemment, en termes d'aménagement du territoire dans un contexte où la réglementation en la matière est de plus en plus importante. Alors simplement, je terminerai sur cette photographie de la Nouvelle-Orléans après le cyclone Katrina en 2005. Donc on retrouve quelque chose de relativement similaire à la aux photographies de la tempête Xynthia au début de la présentation. Donc l'objectif du travail, c'est aujourd'hui de l'appliquer sur ce territoire qui, encore une fois, présente des analogies très importantes à celui touché par la tempête Xynthia. Merci pour votre attention.